Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons faire un saut dans le temps en direction du Moyen-Âge. On a coutume de penser que le Moyen-Âge, c'est une période de stagnation, guère propice au développement scientifique. Et si c'était une idée reçue? Alors pour déconstruire cette idée reçue, je reçois Julien Mock, il est étudiant en sciences de l'eau à l'INRS. Il est d'ailleurs déjà venu nous parler de ses travaux. Mais aujourd'hui, il est ici avec le chapeau de président du Havre des Glaces, un groupe local de Québec de l'association de récréatifs médiévales. Et donc, il va nous déconstruire cette idée qu'on a du Moyen-Âge. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on se situe un petit peu dans le temps. En fait, on parle du Moyen-Âge, ça commence quand, ça finit quand? Déjà, ça commence avec une excellente question, puisque les dates varient d'un expert à l'autre. Ah. Donc globalement, le Moyen-Âge est une période qui va s'étendre sur, disons, 1000 ans, du 5e, 6e siècle, chute de l'Empire romain, au 15e, 16e siècle, plus ou moins quand Christophe Colomb pose le pied sur le nouveau continent. Donc vous disiez donc que le Moyen-Âge était généralement pensé comme une période de stagnation scientifique, mais est-ce que c'est raisonnable déjà de penser que pendant 1000 ans, les sciences n'ont pas du tout avancé? Je vais essayer de vous montrer que non, et même que ces avancées moyenâgeuses ont eu une influence sur nos sciences d'aujourd'hui. Alors déjà, avant de commencer, il va falloir absolument être indulgent. Il faut déjà se rappeler qu'à l'époque, ils n'avaient pas nos connaissances modernes, donc pas de surprise, mais aussi que la science au Moyen-Âge descend de la pensée scientifique de l'Antiquité. Et en ce temps-là, le savant n'était pas qu'un scientifique, il devait aussi être un sage, un philosophe, et il devait s'adonner aux ce qu'ils appelaient les arts libéraux, donc l'arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Mais surtout, en ce temps-là, il n'expérimentait pas, puisque la recherche devait être surtout spirituelle. L'expérimentation et la technique, qui sont maintenant les bases de notre science moderne, étaient alors vues comme une activité pour les basses classes laborieuses. Ah. D'accord. Donc, et aussi, quand on pense à l'histoire des sciences, on pense à Pythagore, à Archimède, donc là, on est dans l'Antiquité, puis après, on fait un grand saut, on passe par-dessus le Moyen-Âge, et on pense, par exemple, à Galilée ou à Darwin. Est-ce que la pensée scientifique s'est arrêtée pendant le Moyen-Âge? On dit souvent que c'est la religion qui a freiné le développement scientifique. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, il est vrai qu'on passe volontiers des scientifiques de la sublime Antiquité à ceux de la flamboyante Renaissance, puis après des sciences modernes, et le Moyen-Âge reste vu comme une période sombre qu'on appelle d'ailleurs l'âge des ténèbres, qui en dit long, comme quoi ça serait une période où les sciences s'effondrent devant le mysticisme, les superstitions et surtout devant la religion. Ce n'est pas vraiment rendre justice aux connaissances de cette époque. Alors il est vrai que la religion avait une influence qui était considérable, mais elle n'est pas forcément la source de l'obscurantisme comme on la représente souvent. L'Église a sans doute autant bloqué certains développements scientifiques, autant qu'elle a permis le développement dans d'autres domaines, comme par exemple tout ce qui est science animale et végétale, puisque les êtres vivants font partie du grand œuvre de Dieu, et donc ont été étudiés comme tels. D'ailleurs, il faut noter que certains membres du clergé, comme saint Augustin, Robert Grosstedt ou saint Thomas d'Aquin, étaient de grands savants, même si le conflit avec la foi empêchait souvent d'aller au bout de leur réflexion scientifique. Donc après ça, il y a aussi un phénomène qui a ralenti le développement des sciences et leur propagation, et dont on minimise souvent l'influence, c'est les croyances populaires. Puisque déjà, en ce temps-là, lorsqu'on ne pouvait pas expliquer un phénomène, comme par exemple le tonnerre, il était plus facile de faire intervenir le surnaturel que d'aller chercher la cause véritable. Donc voilà pour ça. Et puis au final, il y avait aussi une particularité de la pensée en ce temps-là. On pensait que la science devait absolument rester secrète au sein d'une élite. Ça aide pas, ça? Pas du tout. Et ce qu'on appelle d'ailleurs l'hermétisme. Et d'ailleurs, il faudra du temps pour qu'apparaissent les livres imprimés et les universités au 14e, 15e siècle. Puis le secret bien gardé au sein d'une élite, ça me fait penser à l'alchimie. Bon, j'imagine assez les alchimistes en train de faire leurs expériences, mais de se garder leur secret, forcément, s'ils trouvaient le secret de la transmutation du plomb en or, ils n'allaient pas le dire aux voisins, j'imagine. Ouais, ça serait beau pour eux. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler que l'alchimie, c'était la science du Moyen-Âge? En tout cas, elle est clairement emblématique. Puis c'est vrai que là, on rit de sorciers scientifiques qui voulaient transformer le plomb en or, à grands coups d'incantations magiques. Mais pour commencer, déjà rappelons-nous le concept du scientifique-philosophe pour expliquer tout ce qui est la partie mystique de cette science. Ensuite, il ne faut pas croire que c'était une science qui était pratiquée par une petite poignée d'illuminés. C'était beaucoup de grands savants de l'époque pratiquaient l'alchimie. Quelques exemples. Au XIIIe siècle, Albert le Grand, qui est par ailleurs grand naturaliste, puis le saint patron des savants et des scientifiques, ça s'invente pas, avait réussi à préparer la potasse caustique. Théophrase Paracel, au XVe siècle, lui a introduit le zinc, jusqu'ici qui était inconnu. Les alchimistes ont développé des alambics qui ont permis des distillations extrêmement élaborées. Ils ont utilisé des élixirs pour accélérer des réactions et créer des substances nouvelles, ce qu'on appelle maintenant les catalyseurs. Ils savaient les utiliser. Ouais. Le mot même de transmutation, justement, le changement du plomb en or qui était si cher aux alchimistes, il est employé en physique moderne. Transformer le plomb en or, oui, nos physiciens ont même arrivent à transformer le mercure en or par bombardement de neutrons ou par irradiation gamma, donc en éliminant un proton. En bref, les alchimistes dont on se moquait tout à l'heure, d'ailleurs leur image de magicien, c'était vraiment des expérimentateurs très doués et des chimistes précurseurs. Ils ont posé les bases de notre alchimie moderne et ont montré un commencement de méthode scientifique. Puis tu parlais aussi plutôt des avancées en sciences animales et végétales. Est-ce que ça a eu des impacts concrets, des impacts sur les techniques agricoles du Moyen-Âge? Alors les sciences et techniques agriculturales, disons, et agronomiques sont parmi les domaines qui justement ont vraiment avancé à cette période. Alors il est vrai que les cultures n'avaient pas encore le rendement de notre monde moderne, pas de surprise, mais d'énormes progrès ont été faits. Tout d'abord, par exemple, l'efficacité des labours qui a été améliorée par le passage du collier de cou qui asphyxiait le cheval au collier d'épaule qui permettait de tirer plus lourd plus longtemps. En parallèle avec l'apparition de la charrue à socle dissymétrique, ce collier d'épaule a bouleversé l'agriculture et il a permis une explosion démographique et le développement des sociétés humaines. Parce qu'il y avait des meilleurs rendements agricoles. Mais ils pouvaient labourer plus. Ouais. Donc d'ailleurs, ça a même conduit au grand défrichement et l'abattage d'hectares entiers de forêt pour l'agriculture et donc qui a pu nourrir davantage de personnes. Mais ce collier, justement, d'ailleurs, qui était tellement efficace, il a été utilisé de tout temps qu'on a utilisé des animaux pour l'attraction, c'est-à-dire jusqu'à l'invention des véhicules motorisés, ce qui n'est pas si loin. Donc c'est pas si mal pour une invention moyenâgeuse. Autre chose, c'est au Moyen-Âge, par exemple, que les paysans ont mis en place, pour permettre aux champs de se ressourcer puis d'augmenter les rendements, la jachère et l'assolement triennal. C'est vrai. Donc en quoi ça consiste? Pour ceux qui ne le savent pas, on va prendre trois champs. Un champ va servir d'abord à une culture d'hiver, mettons le blé. L'année suivante, il va servir à une culture de printemps, l'orge ou l'avoine. Et la troisième année, ça va être une année de jachère. Il va être labouré, mais non semé. Et dans les temps présents, on revient à ces méthodes de culture tournante, puisqu'on connaît maintenant les conséquences néfastes des monocultures, puis des fertilisations en excès. Effectivement. Et du côté de la médecine, dans toutes les civilisations, à toutes les époques, les peuples ont acquis un savoir médical, que ce soit avec des plantes, avec des aiguilles en Chine ou d'autres. Donc j'imagine qu'au Moyen-Âge aussi, il va y avoir une certaine forme de médecine. Oui, alors là, la médecine au Moyen-Âge. Donc, en ce temps-là, en cas de blessure ou de maladie, vous aviez un panel de possibilités pour pouvoir guérir. Vous aviez la médecine traditionnelle, vous avez la prière, l'astrologie, la magie, le mysticisme et éventuellement un médecin, s'il y en avait un quelque part pas très loin. Bon, alors, il faut tout de suite se dire qu'entre les professions, les frontières étaient plutôt imprécises et plutôt mouvantes. Donc il faut faire maintenant le parallèle avec les médecines alternatives modernes, les guérisseurs, les médecines chinoises, les remèdes de bonne femme ou de grand-maman qui côtoient notre médecine, je dirais, nous maintenant traditionnelle. En pharmacologie, donc tout ce qui va être plutôt des médicaments, oui, les médicaments en ce temps-là étaient extraits puis basés sur les plantes. Donc on a facilement l'image de l'herboriste moyenâgeux dans son local. Mais quand on voit maintenant les succès de l'homéopathie ou de la phytothérapie, finalement, ces connaissances archaïques sont relativement anonymes. On aimerait peut-être bien y retourner pour savoir connaître de quelle plante ils utilisaient. C'est ça, on a peut-être perdu des informations au passage. Mais donc sinon, par contre, au niveau de la médecine, ça aussi c'est une image qu'on a où on voit uniquement la saignée comme étant la panacée des médecins. Là encore, c'est un peu une image fausse qui est véhiculée. Alors il est vrai, pour ce qui est de la médecine, on s'en cache pas que l'influence de la religion était forte et les maladies étaient volontiers vues comme une punition ou une épreuve de Dieu à laquelle il fallait résister. Cependant, la médecine était quand même florissante. Dès le XIIe siècle, on effectuait les connaissances chirurgicales étaient développées, on savait faire des opérations relativement poussées. Dès le XIVe siècle, on savait, pour traiter des blessures, on savait utiliser les antiseptiques, de l'eau vinaigrée et des pansements stérilisés par repassage. Et enfin, quelque chose qui montre à quel point la médecine était quand même évoluée, lors des interventions chirurgicales, on savait utiliser les anesthésiants par les opiacés. Donc malheureusement, la peste noire, la grande peste, est venu balayer tous ces progrès, puisque ça a été largement expliqué comme étant une malédiction divine. Ah oui, d'accord, je comprends, effectivement. Alors finalement, le Moyen-Âge, c'est pas vraiment le vide scientifique? Ah non, absolument pas, non. on pourrait même en parler pendant des heures sur absolument tous les domaines scientifiques, ouais, mathématiques, astronomie. Mais là, t'as juste 30 secondes à peine. Oui, pour paraît finir. Que j'ai plus trop de temps, donc je vais faire vite. Ouais. Donc non, effectivement, sans être comparable avec les avancées modernes ou contemporaines, le Moyen-Âge n'est pas une période non plus de stagnation comme on le croit souvent. La vérité, c'est qu'elle a subi la comparaison avec le flambement, je disais, de la Renaissance, ouais, et le jugement des savants de cette époque. Les humanistes, justement, avaient posé sur un piédestal les connaissances de l'Antiquité comme étant vraiment ce qu'on faisait de mieux, et ont qualifié, justement, c'est eux qui ont qualifié le premier, le Moyen-Âge, d'âge des ténèbres. Et cette idée a été longtemps soutenue par les républicains au 19e siècle pour noircir la période monarchique, puis glorifier la République. Donc d'ailleurs, on leur doit des contre-vérités historiques comme le droit de cuissage ou le manque d'hygiène au Moyen-Âge. Donc maintenant, il serait bon de voir le Moyen-Âge tel qu'il est au point de vue des sciences, c'est que c'était une période riche en innovations techniques et scientifiques, et qui a conservé le savoir antique, puis préparé la Renaissance. C'est fort instructif. Merci beaucoup, Julien, d'avoir remis les pendules à l'heure. Peut-être que tu reviendras pour nous en parler plus en détail. Ça serait un plaisir. Oui, d'accord. Alors, merci à toi, Julien. Puis on va faire une rapide, courte pause musicale sur CKRL au 89.1.